quand t'as vu pour la première fois. Ton accent du Nord ici ça colle pas. Tu nous as fait rire parfois. Ton numéro de cirque est autour de toi. Les gens se demandent comment tu en es arrivé là. Ils ont refermé les barreaux derrière toi. Tu les sens à l'ombre quelques années. Maintenant qu'une vie s'est envolée, ta petite famille a crié halte là. La vie que tu mènes nous éloignera. Si cette fois tu te reprends pas, alors tant pis, nous on s'en va. Sombré parfois, ton corps ne supportait plus les excès d'ivresse, noyé dans le chagrin et la tristesse. Porter secours, moi qui étais seul dans ma vie tout.